20h20, heure locale. La température au sol est actuellement de 30 degrés. Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage et que nous aurons bientôt le plaisir de vous revoir sur nos lignes.